Chapitre 3e, le Purohita. C'était sans le vouloir, sans en avoir conscience, que Déoda avait prononcé à haute voix ces paroles amères. Tout le monde me repousse parce que je suis chrétien. Il resta donc comme interdit, en entendant la réponse que lui faisait le Purohita. Celui-ci avait vu de loin la petite scène qui venait de se passer. La physionomie intelligente et les traits finement dessinés de Déoda avaient attiré son attention. « Voyons, lui dit-il avec un accent de bonhomie. « Par quel hasard es-tu chrétien? D'abord, quel est ton nom ?»« Je me nomme Devadatta, répliqua le jeune homme, traduisant en sanskrit son nom de baptême afin de ne pas effaroucher le brahman. « Si je suis chrétien, c'est par hasard. Un prêtre étranger m'a recueilli orphelin. »« Il t'a volé sur quelque route déserte ?»« On m'a raconté que je portais sur l'épaule le cordon d'investiture et que je suis le fils d'un brahman. » Voilà tout ce que je puis dire, n'ayant jamais su le nom de mes parents. Le prêtre qui m'a élevé me traite comme un fils. Il est malade à la chaudrie, et je me hâte de retourner à ses côtés. Très bien, dit le Purohita. Notre loi enseigne aussi qu'il faut avoir pour son précepteur spirituel les mêmes égards que l'on doit à un père. Bah, je t'accompagnerai jusqu'à la porte de la chaudrie. Ils firent ensemble quelques pas sans rien dire. Déoda se trouvait mal à l'aise avec ce brahman. La parole sentencieuse, qui tenait ses regards attachés sur lui, comme s'il eût voulu pénétrer ses plus intimes pensées. Après un court silence, le Purohita reprit « Quelle vie mènes-tu avec ton padre ? Une vie simple et austère. Tu es confondu avec des gens de basse caste. Il règne parmi vous une égalité honteuse. Fils de Brahman, n'as-tu donc jamais entendu répéter cette formule ? L'univers est soumis aux dieux. Les dieux sont soumis aux invocations magiques. Les invocations magiques appartiennent aux brahmanes. Donc les brahmanes sont des divinités. Ces invocations ne sont autre chose que la science résumée dans des formules. Elles sont plus fortes que les dieux, puisque ceux-ci ne sont eux-mêmes que les puissances de la nature en qui tout se résume. Celui qui connaît les lois éternelles par lesquelles est régi l'univers, ne se place-t-il pas au-dessus de la création elle-même? Il est donc véritablement Dieu, puisqu'il occupe le premier rang dans cet univers, destiné à se détruire et à renaître toujours. Ce sont là des secrets dont la connaissance se perpétue dans nos familles. Aussi, tandis que les autres castes végètent au-dessous de nous dans l'ignorance et l'abjection, nous vivons dans une glorieuse indépendance, partageant avec les divinités symboliques de notre culte les adorations de la foule. « Oui, répondit Déoda, mais vous ne connaissez pas la charité, qui nous fait aimer tous nos semblables comme des frères. « Que dis-tu là ? » répliqua le Purohita. « Nous enveloppons tout ce qui est créé dans une même affection. Nous nous abstenons de tuer les animaux. Nous regardons comme un crime abominable de manger la chair de ces créatures animées ainsi que nous, du souffle émané de la divinité. Pour nous, la charité consiste à aimer la nature dans ses manifestations les plus éclatantes et à réjouir nos sens en cédant nos instincts et à nos appétits. Pauvre ignorant, espères-tu donc retrouver dans une autre vie ces joies enivrantes ? Ces plaisirs enchanteurs sans lesquels tous nos jours ne seraient qu'une suite de souffrances et d'ennuis. Vois-tu passer là-bas ces jeunes filles qui dansaient tout à l'heure devant le palanquin de Durga? Elles appartiennent au temple, et tout ce que renferme le temple appartient au brahman. Quel est l'adolescent qui n'a entendu des voix mystérieuses murmurer à son oreille des paroles semblables à celles que le Purohita prononçait en accompagnant Déoda? Celui-ci, peu habitué à ce langage hardi et mal préparé pour y répondre, baissait la tête et restait muet. Tout en parlant, le brahman épiait l'effet que ses discours produisaient sur le néophyte. Enfin, il reprit le chemin de la pagode et fit signe à Déoda de continuer sa route. Celui-ci s'éloigna lentement, agité de pensées contraires. Les doctrines énoncées par le Purohita n'avaient pas produit une grande impression sur son esprit, mais elles avaient réveillé en lui les instincts orgueilleux de sa race, et remplit son cœur d'aspirations inconnues. Il ressentait un vague ennui, un abattement profond, comme il arrive à celui qui voit s'évanouir sa plus chère espérance. Quand il traversa le bazar pour y prendre les provisions dont il avait besoin, il lui sembla que les marchands de fruits le prenaient en pitié. En un instant, il eut terminé ses emplettes, et nouant dans son mouchoir une douzaine de mangues et de bananes, il retourna à la chaudrie. Le père Joseph, à demi couché sur sa natte, le dos appuyé contre la muraille, dormait d'un sommeil agité. Le bruit que fit Déoda en entrant le réveilla en sursaut. Mon enfant, le soleil est bien haut. Tu as été longtemps dehors, et je craignais qu'il ne te fût arrivé quelque malheur. Je n'ai pas beaucoup tardé, répliqua Déoda avec humeur. Le bazar est loin d'ici. Il y a eu du côté des pagodes, reprit le vieillard, un grand vacarme de gongs et de trompettes qui a troublé mon sommeil. N'as-tu pas eu la curiosité de voir quelques cérémonies païennes ? Padre, répondit le néophyte, je ne suis pas comme vous, un étranger sur la terre de l'Inde. Est-il étonnant que j'ai eu le désir de voir ces belles pagodes dont j'ai entendu parler si souvent ? Et tu as assisté aux cérémonies de ce culte abominable ? De loin, dit Déoda. Mon fils, reprit le vieillard, viens ici. Où as-tu volé cet enfant ? Demanda-t-il d'une voix menaçante. Je ne l'ai point volé, reprit le vieillard. La Providence qui gouverne toutes choses en ce monde, ou si tu l'aimes mieux, le Dieu suprême, qui prend soin de ses créatures, a jeté cet enfant dans mes bras. Sa mère, en proie à une fièvre délirante, ne pouvait plus ni le nourrir ni le porter. Je l'ai ramassé comme un fruit tombé de l'arbre. Qu'est devenue sa mère ? La pauvre femme était mourante quand je l'ai rencontrée, et j'ai vainement essayé de retrouver ses traces. Elle aura péri dans le jungle. Cet enfant portait le cordon d'investiture ? Oui, dit le missionnaire, et je le lui ai enlevé pour lui donner le baptême. Puisses-tu périr comme un chien ? S'écria le Purohita avec indignation. Vous ne respectez plus rien, vous autres étrangers. Prends des chaïkiliens, des chandalas, des parias. Ramasse sur les routes les lépreux, les paralytiques, tous les êtres hideux qui expient dans cette ville et faute d'une existence antérieure, peu nous importe. Mais dégrader l'enfant d'un brahman ? Mon cher fils, dit le missionnaire en s'adressant à Déoda, il faut pardonner ces injures. Cet homme ne sait ce qu'il dit. Te trouves-tu dégradé parce que tu portes la croix sur ta poitrine ? Le Purohita, exaspéré par ces paroles, arracha la croix que Déoda portait sous son vêtement. « Ce jeune homme ne t'appartient pas ! » s'écria-t-il. « Il est à nous, tu n'as aucun droit sur lui. »« Cela est vrai, » dit le prêtre. « Il s'est attaché à moi librement, et je ne lui ferai aucune violence. Mais toi, respecte aussi sa volonté. »« Devadatta, » reprit le brahman, « si tu renies ta caste, si tu es parjure envers les dieux de ton pays, puisses-tu parcourir les sept cercles de l'enfer ? Puisses-tu être plongé dans une nuit éternelle, où tu n'entendras que des cris et des gémissements ? Que deux pointes aiguës de rochers t'écrasent et t'aplatissent, sans que la mort vienne détruire ta souffrance. Que tes yeux soient éternellement rongés par des vautours au bec crochu. » Ces imprécations, prononcées d'une voix que la colère rendait plus vibrante, causèrent à Déoda une véritable terreur. Le Purohita se tenait debout, drapé dans son pagne comme un augure de l'ancienne Rome, enveloppé des plis de sa toge. Son regard étincelait, sa main étendue sur la tête du néophyte appelait sur celui-ci la vengeance des dieux, avec un geste de conviction et d'autorité. Voyant le jeune homme agité d'un trouble secret, le brahman reprit avec un accent de tendresse paternelle « Si tu reviens parmi nous, Devadatta, ta présence réjouira toute la caste des deux fois nés. Tu seras rétabli dans tous les honneurs auxquels ta naissance te donne le droit de prétendre. Viens, viens, mon fils, tu consoleras ma vieillesse. » Il ne me reste plus de postérité, et je t'adopterai pour mon enfant. Tous mes biens t'appartiendront, mon nom sera le tien. Une grande joie deviendra ton partage dès cette vie. Viens. Déoda, dit doucement le père Joseph, tu es libre, choisis. Écoute la voix de ta conscience, décide-toi. Ces quelques mots ramenèrent la sérénité dans l'âme de Déoda. Il tomba à genoux auprès de la natte sur laquelle était étendu le padre, prit ses mains brûlantes et les couvrit de larmes. Pauvre enfant, dit le brahman avec un geste de pitié, il n'a plus de volonté. Ce padre fait de lui ce qu'il veut. Patience, il ne sera pas dit qu'un Purohita aura été vaincu par un vieillard hébété. Nous verrons bien si la corneille saura garder la proie que l'aigle veut lui enlever. Le brahman se retira, cachant sous une impassibilité apparente son désappointement et sa colère. Fatigué par cette scène violente, le père Joseph se recueillit et garda le silence. De son côté, Déoda, en proie à une vive émotion, sentait s'agiter au-dedans de lui des pensées tumultueuses. La journée s'acheva lentement pour le néophyte. Il se passait en lui quelque chose d'inexplicable. L'ennui l'accablait. Un coup d'œil indiscret sur la vie bruyante du dehors avait suffi à lui ravir sa tranquillité d'esprit, et les suggestions du Purohita, quoique repoussées avec un effort courageux, ne s'effaçait pas de son souvenir. Quand le soir vint, il vit passer les épouses et les filles des brahmanes parées de bracelets d'or, le front et les joues frottés de poudre de sandal. Elles marchaient avec dignité, portant sur leurs hanches les vases de cuivre pleins d'eau puisés aux étangs des pagodes. Ces femmes, aux traits fins et délicats, vêtues d'étoffes rayées transversalement comme le corsage de la guêpe, allaient droit devant elles, sérieuses et calmes. Leurs petits pieds se posaient sans bruit sur la poussière qui en gardait la fine empreinte. À peine si le cliquetis des anneaux attachés au-dessus de leurs chevilles trahissait leur approche. Puis, dans le lointain résonnait par intervalles la conque sonore, et Déoda croyait entendre la voix de la grande famille brahmanique qui l'appelait dans son sein. Peu à peu, l'obscurité envahit l'horizon. Les insectes bourdonnants commencèrent à voltiger dans les airs, avec un murmure strident et harmonieux dans son ensemble comme les notes voilées d'une harpe dont les cordes vibrent au souffle de la brise. Déjà, le vent du soir, soufflant par bouffées inégales, répandait à flots la senteur pénétrante des fleurs tropicales. C'est à ces heures-là, surtout, que la jeunesse aspire au bonheur. Mais sous le climat de l'Inde, les nuits versent dans l'âme des filtres enivrants. Il semble que la nature entière vit et respire. L'homme, énervé par la chaleur du jour, reste plongé dans un état de langueur indicible qui n'est ni le sommeil ni la veille. La pensée acquiert en quelque sorte la ténuité d'un rêve, et l'imagination, rendue plus active encore par l'affaissement du corps, déploie librement ses ailes. Ces mystérieuses influences de l'heure et du climat, Déoda les subissait aussi. Pour la première fois de sa vie, il éprouvait un besoin impérieux, irrésistible, d'entrer dans ce monde bon ou mauvais qu'il ignorait, près duquel il glissait sous la direction du Père Joseph, comme passe auprès d'un séduisant rivage celui qu'emporte un courant rapide. Et c'était dans le silence de la nuit que ce monde lui apparaissait avec tous ses enchantements, parce que ce qu'il voulait, ce qui faisait le fond de ses aspirations, tenait plus de l'illusion que de la réalité. Tandis que des rêves inquiets traversaient le cerveau de Déoda, le Purohita cherchait avec ardeur les moyens de faire entrer le néophyte dans la caste brahmanique. La lutte était engagée entre lui et le prêtre chrétien. Son honneur et celui de la caste tout entière eussent été compromis par une défaite. Il consulta quelques-uns de ses collègues en qui il avait le plus de confiance. Ceux-ci déclarèrent qu'il fallait se porter en masse auprès du vieux missionnaire et enlever de force le jeune Déoda. Ils affectaient de nommer Devadatta, comme si déjà il eût repris son rang parmi les idolâtres. Mais le Purohita rejeta leur plan. « Pas de violence. Ayons plutôt recours à la ruse. Vous connaissez tous Kalavati, la folle dont l'enfant a péri dans la grande épidémie qui a fait tant de victimes il y a 17 ans. La pauvre femme a failli succomber elle-même, et comme elle n'a pas eu connaissance de la mort de son fils, elle s'obstine à croire qu'il vit toujours. Eh bien, persuadons-lui que Devadatta ait cet enfant regretté, qu'elle s'en va chercher partout. Amenez-la ici, et je me charge du reste. » Au point du jour, Kalavati fut amenée. Elle était assez calme. On eût pu croire qu'elle possédait la plénitude de sa raison. Le Purohita, prenant avec lui trois de ses acolytes, fit signe à la pauvre femme de le suivre. Celle-ci obéit sans hésitation, et ils arrivèrent tous les cinq à la chauderie. Couché sur la natte et toujours souffrant, le père Joseph récitait ses prières, tandis que Déoda, seul, dans un coin de la cour, s'occupait à cuire le riz pour le repas du matin. « Kalavati, dit brusquement le Purohita, voilà ton fils. » La pauvre femme secoua la tête. « Je te dis que c'est lui, » reprit le brahmane. « Non, non, » répéta la veuve idiote en se détournant pour pleurer. Le Purohita, s'approchant de Déoda, lui traça vivement sur le front le trident de Vishnu, lui jeta sur l'épaule le cordon fait de 3 brins d'herbe et le drapa dans une longue pièce de toile blanche à bordure rouge. Puis il interpella de nouveau la veuve. « Kalavati, pour la 3e fois, au nom des dieux, je t'adjure de nous répondre. Ce jeune homme n'est-il pas ton fils ?» Effrayé par cette sommation, que le Purohita prononçait d'une voix terrible, Kalavati s'avança lentement. Elle resta quelques secondes immobile devant Déoda, que les 3 brahmanes tenaient par les bras pour l'empêcher de fuir, leva les yeux vers le ciel, comme si elle eût voulu recueillir ses souvenirs, puis elle jeta un cri perçant. « C'est là l'image de l'époux que j'ai perdu. Je reconnais ce signe qu'il portait au front. »« C'est ton fils, » reprit le Purohita. les dieux te l'ont rendu. » Oh oui, répéta la pauvre idiote. « Vous en êtes bien sûr ?» Elle l'a reconnu, dit le pauvre Oïta. « Cela nous suffit. Mais il faut maintenant que l'imposture du prêtre chrétien soit confondue. Entrons. » Au bruit que firent les brahmanes en s'avançant tumultueusement vers lui, le père Joseph se redressa sur son lit de douleur. « Qu'est-ce ceci? Que me veulent ces gens ?» demanda-t-il en français. Déodat n'osait s'approcher du missionnaire. « Mon enfant, reprit celui-ci, réponds-moi, que me veulent ces païens ?» « Ah, mon Dieu » répéta-t-il en joignant ses mains, que la fièvre rendait tremblante. « Tu portes au front le signe de l'idolâtrie. Que signifie ce costume ?» Les brahmanes n'avaient pas compris ces paroles, prononcées en français, mais ils en devinaient le sens. « La mère de ce jeune homme est ici, » dit le pauvre Oïta. « Elle réclame ce fils que tu lui as dérobé. »« Qu'elle vienne, » répondit le père Joseph. Kalavati fut introduite. « Non, reprit le vieillard, cette femme ne ressemble en rien à celle que j'ai rencontrée dans le jungle, ce n'est pas elle. »« Eh bien, interrompit le pauvre Oïta, il y a moyen de connaître la vérité. Quand la raison humaine ne suffit pas à éclaircir un mystère, les dieux lui viennent en aide. » Parlant ainsi, il ouvrit furtivement un panier que portait l'un de ses compagnons et il laissa tomber une pièce de monnaie. « Quelle jonglerie veux-tu faire là ? » demanda le père Joseph. « Silence ! » cria le pauvre Oïta. Les dieux vont faire éclater la vérité. Entre l'assertion de cette femme et tes dénégations réitérées, c'est à eux de juger. » Aussitôt, il banda les yeux de Kalavati, qui se laissa faire machinalement et lui dit d'une voix solennelle « Plonge ton bras au fond de ce panier, dans lequel est enfermé un serpent, et retire-en la pièce de monnaie que je viens d'y jeter. Si la bête venimeuse ne t'a pas mordu, ta parole sera reconnue vraie dans les trois mondes. Ce jeune homme est bien ton fils. » La pauvre femme paraissait n'avoir pas compris le sens de ces paroles. Quand sa main toucha la peau froide du reptile qui tordait ses anneaux en cherchant à fuir, elle la retira précipitamment, arracha le bandeau qui couvrait ses yeux et tomba évanouie aux pieds du pauvre Oïta. « Malheureuse idiote !» murmura celui-ci. « Elle n'a pas deviné que ce serpent est aussi inoffensif qu'un lézard. » Puis, se redressant avec dignité, « Je prends sur moi les périls de l'épreuve. » ajouta-t-il, « que les dieux me protègent !» Il se mit alors à prononcer d'une voix rauque et gutturale la formule magique à laquelle les hindous attachent une puissance irrésistible. « Ilom, Krom, Jrom, Jroem, Ramaya, Nama !» En achevant cette incantation, il plongea lentement la main dans le panier. Les assistants paraissaient attendre avec anxiété les résultats de l'épreuve, à l'exception du père Joseph, qui, connaissant de longue date les supercheries des brahmanes, s'indignait qu'on le forçât d'être témoin d'une scène aussi dérisoire. La pauvre idiote, que l'on ne songeait pas à relever, demeurait sans mouvement sur le sol. Quant à Déoda, bien qu'il eût reçu une éducation chrétienne, il ne pouvait s'empêcher de croire à la vertu diabolique de ces paroles bizarres, que, pour rien au monde, il n'eût voulu répéter, de peur d'évoquer le malin esprit. Le serpent, maudit par la Bible et considéré par les hindous comme un animal surnaturel, lui inspirait à la fois de la répulsion et du respect. Dans cette circonstance, qui pouvait avoir pour lui des suites si sérieuses, le néophyte redevenait aussi crédule qu'un idolâtre. Aussi, quand il vit le pauvre Oïta retirer tranquillement sa main et montrer d'un air triomphant la pièce de monnaie qu'il tenait entre ses doigts, il fut ébahi. La pensée que Kalavati l'idiote était sa mère pénétra profondément dans son esprit et, saisi de pitié, il s'élança vers elle pour lui prodiguer ses soins. « Tout cela n'est que mensonge et jonglerie, » répéta avec énergie le père Joseph. « Apportez le serpent et je risque l'épreuve, moi aussi, Déoda, tu es la victime d'un odieux complot. »« Padre, » dit le néophyte à voix basse, « cette femme est ma mère, n'est-ce pas? Je dois la suivre. » « Non, » répondit le vieillard. « Cette femme ne peut être ta mère, j'en ai la conviction. La mère, ou plutôt la marâtre qui te réclame, qui veut t'arracher d'auprès de moi, c'est l'idolâtrie, avec ses joies mauvaises et ses plaisirs honteux, vers lesquels il te tarde de t'élancer. » « Padre, » reprit le jeune homme, « je ne fais qu'obéir au devoir. N'allez pas me maudire. »« Je ne te maudirai pas, enfant, » répondit le missionnaire. « Je laisse aux païens les malédictions et les formules magiques qui te font si grand peur. Non. » « Je ne puis maudire celui que j'ai tant aimé, mais je dois pleurer sur lui. » Déoda était ému jusqu'aux larmes, prête à franchir le cercle étroit dans lequel son existence avait été circonscrite. Il se sentait encore retenu par les liens du respect et de l'obéissance. Il voulut, à ce moment suprême, se jeter dans les bras du vieillard qu'il allait quitter. « Non, non, » lui dit celui-ci. « Tu ne peux toucher avec le signe de réprobation qui souille ton front la croix attachée sur ma poitrine. »« Devadatta !» crièrent du dehors les brahmanes impatients. « Ta mère t'attend, il faut partir. » Le jeune homme, répondant à ce nom qui devait être le sien désormais, sortit pour rejoindre Kalavati. Celle-ci marchait lentement, la tête basse, sans paraître avoir conscience de ce qui venait de se passer. Mais les brahmanes, et surtout le Purohita, se montraient pleins de joie. Il y avait un chrétien de moins sur le sol de l'Inde.